Yesu wangu kuya unikombanye kombita wendo wa majesi simamo nikombanie wendo ramborangu wendo enerji yangu ozina na nguvu eba abo nishike mugono mungu we zina na nguvu we yeso zina na nguvu unishike mugono zina na nguvu eba abo nishike mugono ozina nguvu we Mugono, Eva Bonisiga Mugono, Baduya Mubego Mingi, Mumunigo Mibege, Zina Nangufu, Eva Bonisiga Mugono, Baloji Bote Bamukamina Mukateba Jagurita, Banajangana Bauguna Wudu Yamubie, Bani Kombanise, Bani Fungebiote, Ozina Nangufu. Eba abonishike mugono mungu we Zina na nguve Yeso Zina na nguve Unishike mugono Zina na nguvu Eba abonishike mugono Zina na nguve Zina na nguve Yeso Zina na nguve Unishike mugono Zina na nguvu Eba abonishike mugono Imbita yangu Aina yagi mwili Imbita yangu Niyajiro baba Kameni kuya daya kimini Epote zari fagurisha Melakini mbida Niyajiro mungu Juba nanitosha kashi Pashi kwa tamambo mungu Nkatoto kajire kichwa Ifopaka bagege mai Maguta bamba na beko Naguta baga bamba nimero Ozina na nguvu Epa abo nishike mugono mungu we Zina na nguve Yeso Unishike mugono Zina na nguvu Eba abo nishike mugono Zina na nguve Zina na nguve Yeso Unishike mugono Zina na nguvu Eba abo nishike mugono Bale bote bego na kuya Utafuta maisha yako Atafuyo Wajia mboya Eba tarudia Wajia sabo Bale bote bego na kuya Utafuta diplome yako Atafuyo Wajia mboya Eba tarudia Wajia sabo Oh Yesu wangu ye ule Yesu wangu ye ule Yesu wangu ye ule Eko nashuka na otorite yote Yesu wangu ye ule Yesu wangu ye ule Yesu wangu ye ule Eko nashuka na makari yote Oh Yesu wangu ye ule Yesu wangu ye ule Yesu wangu ye ule Eko nashuka na makari yote Yesu wangu ye ule Yesu wangu ye ule Yesu wangu ye ule Chipinga baloshi ya ule Kashumuna ye ule Yesu wangu ye ule Eko nashuka na otorite yote Yesu wangu ye ule Yesu wangu ye ule Yesu wangu ye ule Eko nashuka na makari yote Yelele ye yelele Zana na Aye Yelele ye yelele Zana na Aye Zana na No no no no no no Zana na Tore se dro promotion, tout est rien. C'est ta position, tout y'a rien. Sois en position. Seigneur des seigneurs, amen, amen. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Pendant qu'on est en train de nous préparer les nimbos amour, moko ziwetu, est-ce que vous voulez que ça aide à vous la mukiyako bantu ba deux ba trois pendant que chorale il a tout préparé nimbo. Est-ce que vous pouvez nous aider à saluer deux ou trois personnes qui sont à côté de vous? Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Beta moi mololo tuta shimamia koyulu tumusifu wetu Mungu. Tutashimamia kwa yulu tumusifu Mungu. kiti ya enzi. Hallelujah. Mwokozi wetu anatupa furaha duniani, atuongoza kwa neema na anatusi. O tazama, tazama yuko pamoja nasi leo, haitaisha kamwe. Haleluya. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. fema u kochini kutekemea Yesu furagani u kochu kuona uso tutaiona fura tutaiona fura aitaisha kwa itakuya tena ndani ya maisha yetu haleluya haleluya Tutaiona fura tele na utukufu wa utaisha haleluya haleluya haleluya oh haleluya ame haleluya haleluya haleluya haleluya oh haleluya ame haleluya haleluya Est-ce qu'on peut acclamer encore les rois des rois? Psaume 145, le verset 3 nous dit: L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insolvable. Nous voulons continuer avec la louange. Nous voulons prendre notre temps à louer ce Dieu pour tous ses hauts faits. À louer ce Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. À louer ce Dieu pour toutes ses grâces. Est-ce qu'on peut se tenir encore debout? Louer Dieu avec ferveur. Louer Dieu avec joie. Louer Dieu avec toute notre énergie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pendant que tu le loues, il va te délivrer de tout ce que tu as comme mot ce matin. Il est tellement merveilleux. Komboyo, komboyo, komboyo, ya Yesuwe. Komboyo, komboyo, komboyo, ya Yesuwe. Komboyo, komboyo, komboyo, ya Yesuwe. Komboyo, komboyo, ya Yesuwe. Komboyo, lo biko nanga. Komboyo lisekwa nangai Komboyo komboyo Komboyo e bandande kala Komboyo e Komboyo ya Yesu Komboyo komboyo ya Yesu Est-ce que tu peux acclamer Jésus Bika bikeleke Aina ligina mona Aina ligina mona Aina ligina mona Aina ligina mona ningina mona Naina ningina sime Na ningina mona Pika mikono lima Pika mikono jia ye Lima Pika pikeleke Miki, Tishi, Zamba, Rotombola, Nicolas, Nicolas. tu les fais, la gloire de Dieu descend. Tukiza tumba, tukiza tumbo. Because. gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Quel dimanche exceptionnel. C'est un dimanche différent de tous les autres dimanches. Un dimanche exceptionnel pour un Dieu exceptionnel, pour ses enfants exceptionnels. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu Tout-Puissant? Je sais que là où il est dans le trône, il a vu la joie que tu as manifestée. Comment ne pas te bénir? Bien-aimé, Psaume 95, verset 6 à 7 nous dit: venez, prosternons-nous et adorons. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car c'est lui qui est Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, les troupeaux qu'il conduit. Nous voulons adorer ce Dieu merveilleux. Nous sommes ses enfants. Nous sommes un peuple de son pâturage. La Bible dit que les genoux fléchissent. Il est notre Créateur. S'il y a celui que Dieu a créé ce matin, qu'il fléchisse ses genoux. Qu'il élève ce Dieu de gloire. Qu'il bénisse celui qui a créé. Qu'il disperse sa foi de gloire. Qu'il élève ce Dieu. Yahweh. Yahweh. Alléluia. Yahweh. Yahweh. Yahweh. Yahweh. Yahweh. seul est digne d'être célébré. Nous te célébrons, ce Dieu. Nous te célébrons, ce Dieu saint. Quelqu'un peut encore élever sa voix et bénir ce Dieu. Est-ce que quelqu'un peut encore élever sa voix pour bénir Dieu ce matin? Ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est merveilleux. Est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais que tous ensemble nous puissions bien acclamer le Seigneur notre Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer, pousser des cris de joie pour notre Dieu? Amen. Vous pouvez reprendre votre place. Le temps que la technique m'arrange ce micro, je voulais rendre grâce à Dieu de nous avoir donné la vie, la force et le mouvement, sinon on ne serait pas au-devant de vous. De la même manière, nous disons merci à l'ange de l'église, Papa Désiré, ainsi que Maman Elvire, pour cette confiance nous accorder. Bien-aimés, vous savez que ce n'est pas toujours facile. Quand un thème est donné et vous êtes parmi ceux qui doivent le développer en premier, nous lui rendons grâce et nous témoignons notre reconnaissance. Nous disons merci aux anciens, aux diacres, tous les serviteurs de l'église. Et nous voulons dire aussi merci à vous qui êtes là aujourd'hui, ce matin, en ce lieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Depuis le début de l'année, il y a un thème qui nous a été donné. Dans Daniel chapitre 11, le verset 32, nous allons lire: il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Amen. Ce matin, notre sous-thème est intitulé « Dieu est capable de changer les situations opposées ». Dieu est capable de changer les situations opposées. Alors, nous commençons par l'introduction. Notre message aura quatre chapitres. Qui sont les quatre chapitres de les quatre premiers chapitres du livre d'Esther. Notre parole aura aussi les quatre chapitres comme partie. Mais à l'introduction, nous voulons d'abord comprendre qu'est-ce que c'est une situation opposée. Une situation opposée, c'est une situation qui est en contradiction avec quelque chose. Ce qui n'est pas conforme. Une situation opposée, c'est ce qui est en contradiction avec quelque chose. Ou ce qui n'est pas conforme. C'est aussi une situation des choses ou des personnes qui s'affrontent. Est-ce qu'on peut m'arranger le micro, s'il vous plaît, ou bien donnez-moi le retour? Ou une opposition de caractère. C'est l'action de s'opposer à quelque chose. D'y mettre obstacle par sa résistance. Une situation opposée, c'est lorsque quelqu'un réalise que dans sa vie, il est en train de mener Une vie qui ne devait pas être ce qu'elle devait. Maisha ile haikupaswa kuwa yake. Nous voyons l'exemple de Mephibosheth. Tunaona mfano wa Mephibosheth. L'exemple de Jephté. Mfano wa Yefute. Ce sont des gens qui devaient rester dans la royauté. Ni watu walipaswa kuikala mkiwazi ya mfalme. Ils ont vécu des situations qui n'étaient pas les leurs. Baliishi mahali haikuwa yao. Jusqu'à ce que Dieu les a rétablis dans leur situation. Paka pale Mungu alibarudisha tena mahali yao ya kwanza. Je prie ce matin pour na toi. Naomba tena kwa siku za leo kwa ajili yako. Que Dieu aussi te rétablisse dans ta situation normale. Mungu akurudishie katika hali yako ya kawaida. Si tu es en train de vivre une situation opposée à la tienne. Na Mungu naishi hali opposée kufuatana na wewe. Dieu te mette dans une situation normale qui est la tienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, le livre d'Esther que Papa Désiré nous a donné pour développer nous montre une femme qui s'appelle Esther. Je suis au premier chapitre. Cette femme Esther, elle n'a jamais pensé dans sa vie qu'elle devait être reine. Mais la situation qu'elle traversait, ou bien la situation qu'elle était en train de vivre, était une situation contraire à la réalité qu'elle devait vivre. Plusieurs, beaucoup d'entre nous, sommes en train de vivre les situations qui ne sont pas les nôtres et pensons que ce sont là notre situation de vie. Et nous confirmons même c'est comme ça que nous vivons. Nous pouvons même dire c'est comme ça notre famille. Or la situation réelle, la vie que devait mener Esther ou la vie par laquelle Esther devait passer n'était pas la situation qu'elle était en train de vivre. C'est ce que je suis en train de te dire ce matin. Dieu, le diable enclenche un processus. Dieu aussi enclenche son processus. Maintenant, le processus du diable nous montre toujours le contraire. Esther devait être reine. Mais le diable montre déjà l'esclavagisme. Elle était captive. Elle était esclave. Une personne qui est esclave. Une personne qui est captive. Comment elle pouvait s'imaginer que son destin était la royauté? Oui, bien aimé dans le Seigneur. Je viens te dire ce matin au Seigneur que la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas ta situation. Dieu a une situation pour toi. La situation dans laquelle tu te trouves elle est opposée à ce que Dieu est en train de voir de toi. Elle est opposée à ce que Dieu est en train de voir comme destinée pour ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que tu peux acclamer fort pour le Seigneur? Ta situation n'est pas celle que Dieu est en train de voir. Dans le chapitre premier de ce message, je voulais parler d'une personne, d'une reine qui s'appelait Vashti. Cette reine Vashti, elle était belle. Elle avait toutes les qualités d'être une reine. Elle avait toutes les qualités possibles. Mais il y a une chose. Trois choses que je voulais partager avec vous. Sur ce premier chapitre. Pour ceux qui écrivent. La première des choses. C'est la désobéissance. De cette reine. Vous savez, quand Dieu enclenche le processus opposé à ce qui est dans ta vie, il va mettre des mécanismes qui vont faire en sorte que certaines personnes de ta vie, certaines personnes qui sont devant toi, qui sont comme des murs, puissent d'abord sauter. Vous savez, Esther était appelée à devenir reine. Esther yaliitwa awe malkia. Mais quand Dieu enclenche son processus, wakati Mungu anaanzisha vitu yake, Dieu s'attaque d'abord à la reine qui était là. Wanja Mungu anashambulia yule malkia alikuwa pale. Pour la faire connaître des erreurs. Amuoneshe makosa yake. Afin qu'elle puisse partir. Ili aondoshwe. J'aimerais dire à quelqu'un ici. Napenda kusema na mtu moya hapa. Si dans ton travail c'est ton chef qui te freine. Kama mkazi yako ni chef ndiye anakubana. Dieu va enclencher des mécanismes. Mungu atachokoza mambo moya fulani. Afin que lui là. Ili yule mkubwa yako. Commette des erreurs. Afanye afin que ta place soit libérée. Oh, est-ce que j'étais en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un était en train de m'attendre? Si quelque part il y avait quelqu'un qui bloquait ton mariage, il y a des fiancés qui vont sauter afin que toi ta place te soit donnée. Est-ce que quelqu'un a compris? Il y a des choses dans la vie qui doivent sauter. Écoutez-moi. Anne, quand elle a eu un enfant, il a fallu que le fils d'Eli puisse mourir. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Quand Anne a eu l'enfant, Samuel. Samuel quand Samuel est né, les problèmes commencent dans la maison d'Élie. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de vouloir Samuel là-bas. Bien-aimé, il y a des gens qui vont mourir pour que toi tu accèdes à ton bonheur. Il y a des gens qui doivent dégager pour que toi tu arrives à ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que tu peux me dire amen? Alléluia. Trois fois? Yes. Yes. Acclame pour le Seigneur. Bien-aimé, le chapitre premier d'Esther commence nous montrant une femme belle qui était la reine. Mais au moment du festin, le roi fait appel à la reine. La reine refuse. Alors le roi prend une décision. Il dit ok. Prenez cette reine-là. Mettez-la à part. Elle ne viendra plus encore dans ma présence. Bien aimé, il y a des choses qui doivent bouger afin que tu entres dans ta meilleure vie. Il y a des processus qui doivent s'enclencher pour que tu entres dans ta nouvelle vie. Bien aimé, ça c'est un conseil. Le deuxième point, nos capacités, nos talents, la beauté, l'intelligence, la force, les dons ne doivent pas nous pousser aux limites. Cette femme était belle, mais elle ne pensait pas qu'il y a aussi des femmes belles comme elle. Elle était belle. Mais quand vous lisez Esther, on va dire que cette fois-ci, le roi cherche pas seulement une femme belle, mais une femme aussi vierge. Bien, mais toi, tu peux penser que c'est seulement l'intelligence. Mais il y a des gens intelligents, mais ils sont encore autre chose. Bien, mais quand tu as un don, quand tu as un talent, quand tu as une qualité, bien, mais essaye de l'utiliser. Et utilise ça dans le bon. Mais pas pour ta fierté. Utilise ça pour le royaume. Utilise ça pour le Seigneur. Le roi fait appel à Vasti. Elle refuse. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose. Ça, je parle au couple. Bien-aimé, une femme doit honorer son mari. Le roi était le mari de la reine. Il fait appel à elle, mais elle refuse. Femme, honore ton mari. Femme, sois soumise. Telle que la Bible le déclare. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Bien-aimé, c'est comme ça que le premier chapitre de ce livre commence. Dieu enclenche son processus pour amener quelqu'un au trône. Dieu commence par quelque part. Dieu commence par quelque part. En ce moment-ci, quand on est en train de chasser Vashti, Esther était esclave. Mais elle ne pouvait pas s'imaginer que tout ce qui est en train de se passer, c'est pour que elle, oh, je suis en train de dire aux gens, il y a des gens ici, il y a des choses qui se passent sur cette ville délicate. Il y a des choses qui se passent dans cette province, il y a des choses qui se passent dans ce pays, mais tu ne sais pas que tout ce qui est déjà enclenché, c'est pour que toi aussi tu te retrouves quelque part. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le processus de Dieu a été enclenché. Le processus de Dieu s'enclenche dans l'opposition. Là où tu penses rien, là où tu ne sais rien, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais Dieu a déjà commencé. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième chapitre, Suraya Pili, tel que j'ai défini ce message, ce deuxième chapitre concerne Esther. Nous sommes dans le livre d'Esther. Esther chapitre 2, versets 2 à 4. Esther chapitre 2. Le verset 2 au verset 4. Je vais lire rapidement. Tout est haraka. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Amen. Amen. Bien-aimés, le premier point pour ce chapitre à retenir, il est en train de pour ceux qui écrivent, les valeurs, les capacités que nous avons sont des choses importantes pour l'élévation de quelqu'un. Bien aimé, la petite chose que tu peux avoir en toi, bien aimé, si le levain, la levure, peut lever la pâte. Ça veut dire que même la petite chose qui est comme point fort en toi, un jour peut t'amener à la gloire. Dans cette ville, il y avait plusieurs femmes, il y avait plusieurs filles, mais quand on veut amener quelqu'un à la royauté, on cherche des qualités. Je voudrais dire à quelqu'un ici, dans la vie il faut une préparation. Dans la vie, ce qu'il y a comme capacité en toi, il faut travailler cela. Regardez, Même les femmes belles, les vierges qu'on a rassemblées, pendant 6 mois, ils devaient passer à la toilette, ils devaient se parfumer, ils devaient se laver, se mettre des produits pour qu'elles soient toujours belles, afin d'être choisies par le roi. Bien-aimé, tu es intelligent, mais tu as cessé de lire, tu es intelligent, tu as cessé de faire les recherches. Les capacités que tu as, tu es fort, tu fais des gymnastes, mais tu ne fais pas. Tu ne vas pas à la salle de sport. Comment un jour tu seras un champion? Ce qui est en toi, bien-aimé, ne laisse pas ça mourir. Travaille ça. Si tu connais chanter, fais des répétitions et des répétitions. Parce que tu ne sais pas les jours de la sélection. Les jours de la sélection, tu ne les connais pas. Toi, travaille. Étudiant. Pour qui ne prépare-toi? Parce que tu ne sais pas. Le jour que le professeur viendra avec l'interrogation, bien-aimé dans le Seigneur, toute chose demande une préparation. Quand une préparation, une bonne préparation rencontre l'opportunité, c'est là qu'il y a le succès, c'est là qu'il y a la réussite. Prépare-toi, femme de ménage à la maison, prépare-toi, parce que c'est ce qui va t'amener à la gloire. Élève étudiant, prépare-toi, serviteur et homme de Dieu, prépare-toi, parce que tu ne sais pas le moment de la sélection. Lis la Bible, médite, jeûne et prie, parce que tu ne sais pas les jours que Dieu va te choisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La préparation. Matayarisho. Cette femme, Uyumanamuke. Esther jina yake. Était esclave. Alikuwa ni mutumwa. Elle était captive. Alikamatwa mateka. Mais alakini. Elle s'est préparée. Alijitayarisha. Elle s'est préparée. Alijitayarisha. Jeune fille. Nini mafisichana. Garde-toi. Unichunge vizuri. Parce que sabab. Quand nous lisons, il y a une condition. Ce choix ne regardait pas seulement la beauté, mais regardait aussi la virginité. Ça dit, si cette jeune fille, Esther, pouvait se contenter à faire n'importe quoi, elle ne pouvait même pas être présélectionnée. Donc, bien aimé, garde-toi. Tu es jeune homme, jeune fille, garde-toi. Papa, baba, maman, we mama, dans ton mariage, garde-toi. Bien aimé, c'est quand tu te préserves qu'il y aura une sélection. Vous savez, dans la Bible, quand on devait chercher des serviteurs, on dit, vous allez chercher un homme marié, marié d'une seule femme. Ce sont des valeurs, ce sont des choses que nous devons préserver dans la vie, parce que nous ne savons pas. Un jour, il y aura une sélection. Mon frère, ma soeur, un jour, il y aura une sélection. Alors, quelle est la préparation dans laquelle tu es en train de passer maintenant? Prépare-toi. Prépare-toi. Tu es à la maison, prépare-toi. À l'école, prépare-toi. Serviteur, prépare-toi. Chantre, prépare-toi. Parce qu'il y aura un jour de la sélection. Bien-aimé, même ici sur terre, prépare-toi, parce qu'à la fin des temps, il y aura une sélection. Donc il y a une sélection à la fin de toutes choses sur la terre, selon ta marche. Marche bien, parce qu'à la fin des temps, Christ reviendra pour sélectionner. Amen. Amen. Amen. Amen. Christ reviendra. Christ atakuja. Et c'est sûr. Na ni kweli tu. Que Christ reviendra. Christ atakuja. Pour sa sélection. Juya kuchakula. Vous savez, nous sommes dans le livre de Daniel. On peut nous mettre Daniel chapitre 1er. Le 3e au 4e verset. Daniel chapitre 1er, le 3e. Daniel sura ya kwanza au 4e verset. La Bible dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles. Continuez. De jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignera les lettres et la langue des Chaldéens. La Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ça veut dire Manayake, tout enfant de Dieu, kile mututo ya d'une manière ou d'une autre, munamna wala namna ingine, doit régner quelque part. Anapaswa kutawala fasi moya fulani. Un royaume ufalme de sacrificateurs. Ya kikuhani. C'est-à-dire, quand tu es enfant de Dieu, kama uko mututo ya Mungu, tu es dans les services. Uko ndani ya kazi. Dieu, uyu Mungu, par ses principes, upitia makanuni yake, te fait régner. Atakutawalisha d'une manière ou d'une autre. Namna yoyote. Où que tu sois. Pali putu ne jukuta. Alléluia. Amen. Écoutez. Fateni vizuri. On peut nous projeter un Pierre. Watueke kwenye kibao Petro wa kwanza. Un Pierre chapitre 2 verset 9. Sura yake ya pili shaili ya kenda. Un Pierre chapitre 2 verset 9. Petro wa kwanza. La Bible dit, la Bible anasema hivi, tu es aussi un roi. Na wewe kumfalme. Tu es aussi un roi. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Oh. Un sacerdoce royal. Alléluia. Vous êtes élu. Ulisa chaguliwa. Tu es un enfant de Dieu. Uko mtoto ya Mungu. Tu es élu de Dieu. Uko mwenye kuchaguliwa na Mungu. Mais on ne s'arrête pas là. Abasimamie pale. C'est Dieu qui t'a choisi. Ni Mungu alikuchagua. Dieu. Uyu Mungu. Tu es élu de Dieu. Uko mchaguliwa wa Mungu. Dans élu il y a élection. Uchaguzi maana yake kuko kuchakula. Oh, Dieu est seul. Japo Mungu yuko peke yake. Il fait l'élection. Ni yeye kuna chakula. Il dit monsieur Norbert. Anasema mzee wangu. Je te vote. Mimi na kuchakula. Come. Unakuya. Amen. Ça c'est Dieu. Uinjo Mungu. Nous sommes élus. Tulisha chakuliwa. Vous êtes une grâce élue. Unakuya kizazi na kuchakuliwa. Un sacerdoce royal. Kikuhani ya ufalme. C'est-à-dire le service que vous faites. Manake makazi muko nafanya. Vous devez régner. Munapaswa kutawala. Alléluia. Amen. Je prie. Basi naomba tu. Qu'à partir de ce matin. Natangia asubuhi ya leo. Dans quelque domaine que tu sois. Ule kazi yote kunafanya. Que tu puisses régner. Upate kutawala mu jina la Yesu. Dans tout ce que tu fais. Kazi yote kunafanya. Que tu règnes au nom de Jésus. Utawale mu jina la Yesu. Donc c'est pour montrer. Quand Dieu prend. Quand Dieu veut introduire. Il y a une sélection qui s'est faite. Il y a une sélection. On devait choisir des jeunes gens. Mais on donne des critères. C'est pour cela conformons-nous à ces critères. Marchons dans l'intégrité. Marchons dans le droit chemin. Soyons des vrais enfants de Dieu. Évitons de nous compromettre. Et c'est dans ce sens-là que nous allons passer à la sélection. Il y avait plusieurs enfants en Israël. Mais, soit qu'ils soient de la famille royale, soit d'une famille noble, soit il y a ceux qui accèdent à la royauté parce que les familles sont des familles assises, sont des familles qui ont des moyens. Et à ce moment-là, il peut avoir la royauté. Il y a ceux qui étaient beaux. Il était beau. Muzuri. Vous allez voir les rois, tous les reines. Ils recherchent aussi toujours la beauté pour se marier. Il doit chercher un homme beau ou bien une femme belle. Ce sont des critères pour accéder à la royauté. Soit un homme intelligent. Quand il faut résoudre des problèmes, on sait que lui là, si tu es d'une certaine famille, tu es éligible, tu peux devenir aussi, tu peux aussi entrer dans la cour du roi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs critères, mais retrouvons-nous dans quelques critères. C'est très important. Il n'est pas bon dans tous ces critères. Nous ne sommes nulle part. Ce n'est pas une bonne chose. Amen. Amen. Donc le chapitre 2 nous montre la valeur qu'avait Esther. Elle était une femme belle et vierge. Elle a préservé ses valeurs qui l'ont amené à la sélection. Le chapitre 3, ce chapitre, c'est l'opposition qui commence. Notre sous-thème réellement commence en ce chapitre. Bien aimé, il y a des gens qui vont s'élever dans ta vie. Des gens que toi tu n'avais même pas imaginé. Aujourd'hui peut-être tu es ce que tu es. Mais si demain on te dit que le ministre est tel, il t'en veut. Il t'en veut. Le général tel. Oh, Jimadari Fulani. Il t'en veut. Mais regarde à toi. On a dit au moment où tu es maintenant. Et regarde cet homme-là, c'est qui est. L'opposition. Maupizani. Dieu fait des choses extraordinaires. Quand l'opposition s'élève, il y a des gens qui font terreur. Quand on parlait d'un homme, Aman, c'était une personne haut placée du roi, à qui le roi avait donné l'autorité et le pouvoir. C'est quand le roi n'est pas là, c'est Aman qui régnait. Mais on te dit que c'est Aman là qui t'en veut. D'abord, vous êtes captif. Vous êtes esclave. Vous n'êtes même pas de ce peuple là. Vous êtes un peuple étranger. Mais c'est le chef là qui veut à ta tête. Bien aimé, wapendwa, la hauteur du défi yake, kimo ya détermine kimo la hauteur de ta gloire. Inonesha kimo ya utukufu yako. Si tes combats vita sont seulement des combats des voisins, ni ma vita ya wajirani, hein, les combats des amis, vita ya warafiki, toi-même regarde la gloire. We mwenye angalia utukufu. Mais Alakini, Mardoché, oui, Mordecai, le cousin d'Esther, oui, ndugu yake ya Esther, il est opposé à une personne haut gradée. Anakuwa na upinzani ya mtu wa yuru kabisa. Bien aimé, wapendwa, il y a des fois dans la vie, kukumare ngine mumaisha, nous rencontrons des situations, nous rencontrons des problèmes qui dépassent notre entendement, qui nous dépassent des niveaux. Inasinda kimo yetu. Ce n'est même pas ton chef direct, aina tamu kumo yako hivi, mais c'est le chef du chef de ton chef. Kuma wa mkumo yake, msefu yako. Il t'appelle au téléphone, anakuita kwenye simu, il te gronde, anakurifokea, attends, tu vas voir. Anakusota kuambia utaona. Ce n'est même pas ton chef direct. Ce n'est pas même le chef de ton chef. Mais un chef élevé. Il dit toi petit. Attends, tu vas voir. Quand tu vois des choses comme ça, bien aimé, il faut louer le Seigneur. Et entrer quelque part. Alléluia. Amen. Bien aimé. Wapendwa. La vérité en tant qu'enfant de Dieu. Nos combats. Ma vita yetu. Ne doivent pas être des combats inutiles. Regardez. Ma vita ya bure. David. Ono yu Daudi. David. Daudi. Il est devant quelqu'un Goliath. Kombele ya mutu mwema na mwita Goliath. Regardez le défi. Mwone kwanza bipimo. Le défi est tel que. Kipimo iko hivi. Goliath vient, il se tient devant Goliath toute la ville. Goliath anakuwa na mbele ya watu yote. Tout le peuple. Mbele ya makutano yote. Il dit choisissez-moi une personne. Anasema nichagulie mtu mmoja. On va se battre. Tu combane naye. Et celui qui va battre l'autre. Ule atapika munjake. Il va servir l'autre. Jo atamtumikia mwingine. C'est la nation. Injo taifa mzima. Mais David. Sasa huyu Daudi. Petit qu'il était. Mtoto kidogo. Physiquement. Kwa mwili kwa kuona. Mais grand. Lakini mkubwa. Spirituellement. Muhali ya kiroho. Il a défié. Aliweza kumbanisha. Bien aimé, quand le défi. Quand l'opposition, pour ceux qui sont en train d'écrire, vous pouvez noter, quand l'opposition arrive, quoi, quelle que soit la grandeur de cette opposition, il ne faut pas vous effrayer. Vous savez, il y a quelque chose de contraire à la foi, c'est la peur. Quand des fois des choses comme ça s'élèvent, on se pose des questions, comment je vais me prendre? Qu'est-ce que je vais réellement faire? Mais la première des choses, il ne faut pas paniquer. Aman, il a signé un décret. De la mort de Mardoché. Ya Mordekai. Et de tout le peuple juif. Na watu wote wa Kiyuda. Et il a fait signe au roi. Aliweza kumupikia saini wa mfalme. Il avait déjà l'autorisation. Alikuwa na ruhusa yote. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses dans la vie pour lesquelles tu ne dois pas fléchir. Bile apana kukubali. Naman. Amani huyu. C'était quelqu'un quand il arrive à la cour. Alikuwa ni kama mtu anaingia ku lupango ya kiwanza. Tout le monde s'agenouille. Bantu bote banapiga magoti mbele yake. Et se prosterner devant lui. Banainama mbele yake. À ton travail. Kazi yako. Il y a des choses comme ça. Uko bintu bia hii namuna. Pour que tu montes de promotion. Ili upande ko cheo. Il faut aller s'agenouiller devant quelqu'un. Yata piga magoti mbele ya mtu fulani. Il y a des gens qui entrent dans l'homosexualité pour passer des promotions. Uko bantu bona patana banome na banome juu. Il y a des femmes. Uko banamke bengine. Qui font des choses. Beko nafanya bitu. Pour arriver à des grâces. Ili afike kwa neema moyo fulani. Bien-aimé. Mpendwa. Mardoché. Mordekai. Tant que les autres pouvaient se prosterner, lui refusait. Bien-aimé, reste enfant de Dieu. Pendo, bakia kama mutoto ya Mungu. Reste enfant de Dieu. Bakia mutoto ya Mungu. Quelles que soient les conditions, ingawa mahali na magizo, il faut qu'on sache. Afadhali bajua. Lui, c'est un enfant de Dieu. Yeye ni mutoto ya Mungu. Acheta ichika. Va pas accepter. Aujourd'hui, plusieurs fléchissent les genoux devant l'argent. Ils fléchissent les genoux pour les postes et les positionnements. Ils sont prêts à tout pour la promotion ou un mariage. C'est le mariage. Mais on te donne d'abord des conditions pour ce mariage-là. N'accepte pas. Parce que tu es enfant de Dieu. Le chapitre 3 d'Esther. Sura ya tatu ya kitabu ya Esther. Nous montre cette cruauté. Inatuonesha hii ukali. Les choses montent. Kwa ajili bitu inapanda. Où l'opposition. Wale maupizani. Se présente devant. Inaonekana mbele yako. Et. Alafu. Mardoché. Mordekai. N'a pas fléchi. Akukubali maneno ile. Mardoché n'a pas fléchi pourquoi? Mordekai akukubali juu ya nini? C'est la question qu'on peut se poser. Jo ulizo tunaweza kujiuliza. Mardoché. Mordekai. N'a pas fléchi. Akukubali parce que Romain. Sababu wa Roma 14:11 dit ceci. 14:11 inasema hivi. Je suis vivant. Niko muzima. Le Seigneur. Na Bwana. Tout genou fléchira devant moi. Goti yote itavunjika mbele yake. Tes genoux ne peuvent pas fléchir devant un homme. Magoti yako haitakunjamia mtu fulani. Les genoux ne fléchissent que devant Dieu. Magoti takuvunjika paka mbele ya Mungu. Mais quand on parle de genoux. Wakati tunazungumzia kuhusu magoti. Ce ne sont pas les genoux physiques que. Haina magoti kunaona na macho yetu. Ça veut dire c'est ta virginité. Maana yake ni ubikira wako. C'est ton intégrité. Maana yake ni kuya mahali ya kunyenyekevu wako. Inakuwa ni ma tabia yako. Tu ne peux pas céder à n'importe quoi. Ile hautayacha kwa ajili ya vitu yoyote. C'est comme j'ai dit tantôt là. Kama vile nilisema baadaye. Il y a des hommes. Kuko watu wengine. Qui vont avec les hommes. Wako naenda kukutana na watu wengine. Pour avoir le travail. Tu apate kazi. Ce sont les genoux qui fléchissent. Ni magoti iko na kujama. Reste debout. Bakia mwenye kusimama. Fléchis que devant le Seigneur. Pute magoti yako paka mbele ya Mungu. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, matoto ya Mungu. Fléchissons nos genoux devant le roi de rois. Pas devant le son. Aina mbele ya watu. Pas devant le son. Aina mbele ya watu. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Unaweza kuchapa makofi kwa ajili ya ile. Acclame très bien, acclame très bien. Chapa makofi vizuri kabisa. Ce chapitre 3. Il est vraiment exceptionnel. Dans ce chapitre, on montre que le problème de Mardoché et Aman n'est pas venu d'Aman directement. Le livre nous montre qu'il y a des gens qui sont allés dire à Aman. Tu vois quand tu passes là. Tous sont sa genoux. Si bote tu unapika magoti. Mais lui il y a un monsieur. Kuna kwa mtu moya. Lui ne sa genoux pas. Yeye apikake magoti mbele yako. Ne soyons pas des attiseurs. Attiseurs c'est des gens kuchongea bengine. Qui mettent le feu. Bale bantu wenda kuchoncholea bintu. Lui là il ne s'agenue pas. Ule yeye apikake magoti mbele ya. Aman a voulu montrer qu'il est autoritaire. Aman alipenda kujionyesha kama yeye kuwa bei zaidi. Alors il est venu lui-même. Anakuya peke yake. Non non. Anamwambia pa. Je vais faire signer un truc au roi. Mintaweza kumu. On va éliminer d'abord tout son peuple. Kwanza kukamata batu yake bote. Vous voyez comment les familles. Wapende mnaona vile majamala. Comment des vies. Sont liés. Ont des soucis. Peut-être à cause de toi. Parce que tu as refusé de fléchir les genoux. Parce que tu as refusé d'entrer. Dans des loges. Ils disent quoi? Bon, lui, il est de quelle famille? En tout cas, on va s'attaquer à sa famille. Il va sentir comment on est fort. Beaucoup de familles ont des. Ont des problèmes à cause de situations pareilles. Mais quel que soit le développement des problèmes, bien-aimé, reste debout. Ne fléchis pas. Prends courage. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui nous veulent du mal. Il y a des plans. Lorsque les gens sont attaqués, ce sont des familles qui sont déstabilisées. Ça, c'est le plan du diable. Pour te pousser à ce qu'eux veulent, ils vont aller déstabiliser partout. Il y a des gens comme ça. Tu as refusé. Tu étais là, on te dit. Voilà, on te donne cette somme d'argent. Alors tu vas faire ça. Dès que tu refuses, quand tu rentres, tu arrives à la maison, tu trouves les enfants malades et les ordonnances qu'on te demande. Tu n'as même pas 10 francs. Mais on venait de te montrer là-bas l'argent. Ce sont des situations qui arrivent. Quelle que soit l'oppression que le monde de ténèbres peut mettre. Bien-aimé, reste ferme. reste debout. Kankamana, si mama. La Bible, ce que nous lisons cette année, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec quoi? Avec fermeté. Restons fermes dans les choses de Dieu. Restons fermes jusqu'au bout. Parce que le Seigneur ne va pas nous abandonner. Amen, amen. Amen. Pourquoi le mal de nos ancêtres continue à semer des dégâts dans la vie de plusieurs? Ce sont des questions. Mais dans ce chapitre, on nous démontre que Mardoché a refusé à se compromettre. Bien aimé, je bénis le Seigneur pour les intervenants de la semaine parce qu'ils ont introduit ce message. Le vendredi, on nous a parlé de la justice de Dieu. Dieu est juste. Dieu est juste. Si c'est que tu as fait juste, lui c'est le juste juge qui va trancher à ta place. Donc ne te compromets pas par peur ou crainte. Celui que nous pouvons craindre, ce n'est que l'Éternel des armées. En tant qu'enfant de Dieu, reste ferme sur tes départs. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, c'était quelqu'un le plus gradé. Amen, il quoi na tchou beaucoup kabisa. Et qui vient s'opposer à une personne qui était captif. Analeta opizali yake mbele ya mtu mtumwa. Parmi l'esclave. Huyu mtu mtumwa. La grandeur ukubwa de tes combats. Ya vita yako. Détermine. Itaonyesha ta destinée. Kifikio yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si ton mariage, wapendwa kama ndoa yako, vita inakuwa kubwa kabisa. Si dans ton mariage, kama ndani ya ndoa yako, le combat est énorme, vita inakuwa kubwa kabisa. Sache que c'est la voie uyu akama injo njia. Dieu aimerait t'élever. Mungu anapenda kukuinua sasa. Kama ndani ya kazi yako, tunapenda kusoma mistari chache. Tunapenda kusoma mistari chache. Batuweke sura yake mistari ya kwanza. Odi wa ine. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Mardoché. Mardoché ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu des villes en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue de sacs. Quand l'adversité arrive, comment nous nous comportons? Est-ce que nous entrons dans nos chambres, montés sur les lits, dormis? Quelle attitude nous adoptons? Quand il y a la guerre, ce sont les deux parties qui sont debout en train de se battre. Quand une adversité se place, nous devons aussi nous tenir debout. Nous ne devons pas rester passifs. Nous ne devons pas nous coucher ou dormir. Amen. Mardoché. Mordecai. Ayant appris tout ce qu'on avait dit. Alishikia mambo yote walisema. Il déchire ses vêtements. Anapasula mavazi yake. Parce qu'il dit. Sababu anasema. Je suis déjà un homme mort. Hapa, milisa kufariki tu. Ses vêtements ne valent plus rien. Et mavazi yana tena na bei. Prend le sac qu'il porte. Anakamata masaka, anavuala. Et il commence à pousser des cris. Anaanza kulalamika. Bien aimé dans le Seigneur. Mapendwa katika Bwana. Quand tu as l'adversité. Wakati tatizo mbele yako. Lève ta voix. Inua sauti yako. Pousse des cris à Dieu. Lalamikia Mungu. Pousse des cris à Dieu. Mulalamikia Mungu. Il a poussé des cris. Alimulalamikia Mungu. Et des cris amers. Malalamiko ya huzuni. Cris à Dieu. Sema na Mungu. Et montre-lui comment tu as l'amertume. Onyeshe vile unakuwa na huzuni ndani yako. Comment l'amertume monte en toi. Vile uchungu iko ndani yako. Il faut que Dieu sache. Afadhali Mungu ajue. Qu'il y a une adversité. Oh, kuna kwa upinzani moja. Nous devons savoir. Na tunapaswa kujua. Si je n'ai pas Dieu. Kama sina na Mungu kupande yangu. C'est moi-même qui vais me battre. Ni mimi peke nitaingia muvita. Mais alakini, si je suis avec Dieu, kama niko pamoja na Mungu, c'est Dieu yeye Mungu, qui va se battre à ma place. Kata kombana pa fasi yangu. Alors c'est lui qui est au combat. Yeye kumuvita. Et il y a l'adversaire qui arrive. Na, mupizane kumbele yetu. Je fais quoi? Mina fanya je. Je crie à lui. Mina mulalamikia. Pour lui dire l'adversaire est là. Sema yeye adui yewe mbele. Viens te battre. Uya kombana naye. Parce que moi je n'en peux plus. Mimi sitaweza kitu. Descends et agis. Shuka na utkombane. Mais si tu entres dans ta maison. Kama unaingia nyumbani mwako. Tu montes sur ton lit et tu dors. Unapanda pa kitanda yako unalala. Dieu sera là. Mungu atakuya pale. Et l'adversaire. Na ule mpizaji wa. Continuera à faire ce qu'il est en train de faire. Atendelee kuangamiza tu. Source féconde. Lèvons-nous. Crions à Dieu. Mungu. Par rapport à tout ce que nous traversons. Mambo yote par rapport à tout ce que nous voyons. Na biote tu par rapport à ce que tu rencontres dans la vie. Lève-toi. Lève-toi en prière. Simama, crie à Dieu. Mungu. Crie vers ton rédempteur. Wako. Ne reste pas silencieux. Quel est ce problème qui te dérange? Mambo kani ne combien de fois cette semaine Marangapi, as-tu parlé de ce problème-là à Dieu? Mambo yako Mungu. Beaucoup prions wengi et incriminons Dieu na Mungu pour dire que Dieu ne fait rien. Mungu kitu. Ça fait des années que je prie. Miaka ça fait des années que je suis dans cette église-là. Ndani ya mais je ne vois pas. Kitu. Je ne vois rien. Sione kitu. Bien-aimé. Pendwa. Mardoché. Mordecai. Au même instant pale, pale. Que le problème est arrivé, mambo inaweza kumfikia, il a crié. Alilalamika. Ne laisse pas un instant. Hapana kuachia wakati. Ne laisse même pas un moment. Hapana kuachia muda. Écris à Dieu. Na mlalamikia Mungu. Ne laisse pas un instant. Hapana kuacha adui. Vous savez, dans le livre de Daniel, au kitabu ya Danieli, dans le livre de Daniel, on peut nous afficher ça. Au kitabu ya Daniel, chapitre 2, verset 17. Mtuwekenye kwenye kibao. Daniel, Danieli, chapitre 2. Sura yake ya pili. Verset 17. Mustari wa kusoma wa kumi na saba. Ici, c'est quand le roi a commencé déjà à tuer les magiciens. Hapa ni pale, mfalme anza kuua wachawi. Il a tué quelques magiciens. Aliua kwa wachawi chache. Qui se sont enfuis. Mengine bali kimbia. Et Daniel, on vient trouver Daniel par le monsieur qui tuait. Bana mkutanisha Daniel kwa ule alikuwa na uwa batu. En réalité, on venait aussi pour le tuer. Kwa kuona alikuwa na yeye na amuue. Daniel lui dit, non, non, allons-y chez le roi. Daniel mwambia, twende mbele ya mfalme. Ils arrivent chez le roi. Bana fika mbele ya mfalme. Il dit au roi, mwambia mfalme, donnez-nous un instant. Untupe kwa wakati moja fulani. Nous revenons. Tutarudia tena. Pour vous donner l'explication de votre songe. Ya ndoto yako. Alors, qu'est-ce que Daniel fait? Daniel c'est une adversité. Ini tatizo lisimame mbele yake. Lui qui n'était un petit garçon sélectionné. Yeye kwa kijana ule katikati wale balichakula. Mais le général du roi Nebukadnezar. Jimedari wa huyu mfalme est en train de tuer. Les gens, parce qu'ils n'ont pas donné le songe et son explication. Quelle adversité! Alors Daniel rentre. Anarudia la première des choses kitu ya kwanza que nous devons noter, ile tunapaswa kujua, c'est la prière ni maombi et une des clés inakuwa mmoja ya fungulo pour vaincre ya kupata nayo ushindi l'opposition mbele ya upinzani. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit aina kwa bure Biblia inatuambia jeûner et prier. Funge chakula na muombe. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit. Aina kwa bure Biblia nasema. Prier sans cesse. Bila kuchoka. La prière. Maana yake maombi. C'est une respiration pour un enfant de Dieu. Inakuwa ni hali ya kupumzika kumpata mtoto. La prière. Maombi. C'est une vie. Ndio maisha. Pour un enfant de Dieu. Kwa mtoto ya Mungu. Daniel et ses amis, Daniel na barafiki yake, ils avaient une vie. Balikuwa na maisha moya. Ils se réunissaient quelque part. Balikuwa na kusanikia fasi moja. Et ils priaient. Na balikuwa na omba. Quand est-ce que nous prions? Sisi tunaombaka wakati gani? C'est quand nous avons l'adversité que nous prions. Wakati magumu na matatizo iko mbele yetu. Mais ici c'est l'image de quelqu'un dont sa vie c'est déjà la prière. Hapa yeye ni picha ya mtu maisha yake ni maombi siku zote. Et quand l'adversité arrive dans ce cas-là. Wakati magumu inafika kwa ile wakati. Ça ne sera pas trop difficile. Haitakuwa kigumu kwake. Pourquoi? Ujue ya nini? Parce que vous savez déjà les voies, ces moyens que Dieu agit. Sababu unajua namna gani ya kufanya vile Mungu atende. Sikieni sasa. Dans ce récit. Oui. Daniel, Daniel, chapitre 2, verset 17 à 19. 2, 17 à 19. Je vais lire. Taïsoma. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azarias, ses compagnons, les engagea à implorer la miséricorde de Dieu. Afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors, ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Basi balidai rehema yake Mungu. Quand nous avons l'oppression, wakati tunasongwa songwa, quand nous avons wakati tena des problèmes qui se dressent devant nous, tukuna mambo na simama mbele yetu, et surtout de ces gens. Zaidi ya hii haina. Apprenons à implorer la miséricorde de Dieu. Tujifunze kulomba rehema yake Mungu. Souvent nous allons. Mara mingi tuko naenda. Mungu ubaue. Seigneur, extermine-le. Ubaue. Extermine-le. Si. Kama. Daniel. Danieli. A imploré. Aliweza kudai. La miséricorde. Rehema ya Mungu. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Mungu wetu ni Mungu anajaa na rehema. Et il pardonne. Na eko na samehe. Et il a quand il implore la miséricorde. Wakati manamudai rehema yake. Dieu agit en miséricorde. Mungu anatenda muhali ya rehema. Et suivez. Fateni vizuri. Il fait quoi? Anafanya kisa nini? Il associe ses amis. Anaongeza ako na barafiki yake. Dans la prière. Banajiunga bote. Alors nous allons noter. Tutaandika basi. Nous avons déjà noté la prière est une des clés pour vaincre l'opposition. Maombi inakuwa ni moyo ufungulo juu kuweza kuhusiana na upinzani. Kitu ya pili. Devant l'opposition. Mbele ya upinzani. Il faut avoir une main d'association. Afadhali kujiunga wala kusaidiwa na wengine. L'opposition te trouve dans un moment de faiblesse. Wakati ile upinzani kupita katika hali yako udhaifu. Il faut toujours avoir des gens avec qui vous priez de foi. Afadhali kuwa na watu bale batakusaidia. Parce que ces gens-là. Bale batu. Ils vont vous soutenir. Batakusaidia. Daniel. Danieli. Pendant ce temps. Kwa ile wakati. Il a cherché la main d'association. Alitafuta watu wengine bajiunge kwake. Ils ont prié. Baliomba pamoja. Ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Alidai rehema yake Mungu. Et c'est en ce moment-là. Kwa ile wakati ile. Que Dieu va révéler. Ndio Mungu alijifunulia. Bien-aimé. Wapendwa. Il y a certaines choses qui peuvent nous arriver. Kuko vitu vingine vinaweza kutufikia. Que si nous faisons ces choses. Kama tukitimiza maneno haya. La prière. Maombi. La miséricorde de Dieu. Rehema yake Mungu. La main d'association. Kujiunga pamoja na watu wengine. C'est par là. Na ni kupitia ile que Dieu Mungu a donné les songes. Arileta mais dans le verset, ça, c'est nous sommes en train de lire d'Esther. Vous allez comprendre aussi que c'est la même méthode. Mardoché qu'on voulait tuer. Il a dit, je ne veux pas mourir comme ça. Je vais prier. Ça dit, portez déjà les sacs. Allez, voilà, sac. Il présente l'état des jeunes. Bah, c'est, il est allé funga. Voir Esther. Esther. Pour dire, donne ta main d'association. Nous devons prier et jeûner. Na kufunga chakula. Alors, bah, c'est par la prière. Et le jeûne. Na kufunga kwa chakula. Que leur problème a été résolu. Jo mambo yao ilipata jibu. Bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Dans ce chapitre. Mwii sura. Il n'y a que ceux qui connaissent cela. Ni paka bale banajua ile maneno. Ils peuvent vaincre l'opposition. Wanaweza kushinda upinzani. Bien aimé, quand l'opposition se dresse wakati devant toi. Wakati upinzani nasimama mbele yako. Quand l'opposition. Wakati upinzani. Se dresse devant toi. Inasimama mbele yako. Ne reste pas. Apana kubakia tu mwenye kuikala. Nedopa. Apana kulala. Lève-toi. Basi simama. Crée-toi une armée de prières. Ukifanyie hali moya maombi. Prière ne t'associe pas n'importe qui. Apana kujiunga na mtu yoyote. Ne t'associe pas à celui qui peut être un intrus. Apana kujiunga na mtu anakuwa mjambazi. Associe-toi. Lakini ujiunge. À des gens qui seront de feu. Na bantu watakuwa na moto. Qui vont attiser aussi ton feu. Atawakisha tena moto yako. Afin de vaincre le problème que tu as. Kwa ile mambo uko nayo. Que nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ceci. Quand une main d'association vient vers toi, il ne faut pas aussi la refuser. Dans le livre de Daniel, vous allez comprendre que après avoir vaincu l'opposition, cette main-là d'association a payé. Ile usaidizi uliweza kulipa vizuri. C'est que vous priez pour l'autre aujourd'hui. Ile kunaombea mwingine leo. Demain. D'une manière, Dieu vous les rendra aussi. Daniel, on l'élève. Daniel banamuinua. Mais ses amis aussi. Marafiki yake tena. Jouissent de cette grâce d'élévation. Marizuria kuile neema ya kuinuliwa kwake. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la main d'association. Kwa nini? Sababu baba alimsaidia naye tena. Alléluia. Amen. La main d'association. Usaidizi. Esther et de Mardoché. Esther na Mordekayo. Fait que. Inafanya kama. Après. Savoir vaincu l'opposition. Kise kushinda upinzani. Mardoché. Mordekai. A porté les habits d'Aman. Alivala mavazi ya Aman. Il est monté sur le cheval. Alipanda yulu ya farasi. Et Aman. Na Amani. L'a traîné toute la ville. Alianza kumukokota. Bien-aimé dans le Seigneur, pendo katika Bwana. Ne refusons pas les mains d'association. Tusikatale misaada ya watu wengine. Mais surtout, cherchons les bonnes mains d'association pour la prière. Juya maombi. Que Dieu nous bénisse. Basi Bwana atubariki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons quatre prières comme quatre sujets de prière comme pendo tunakuwa na ma quatre chapitres que nous avons ya maombi kama masura ine tuweza kusema hapa. Nous voulons dire à Dieu. Tunapenda kumwambia Mungu. Je voulais d'abord avant que tu pries. Mbele ya kuweza kuomba. Regarde le talent que tu as. Angalia kwanza talanta ile uko nayo. Regarde les capacités que tu as. Angalia mauwezaji yako. Regarde les dons que Dieu a mis en toi. Angalia zawadi ile Mungu asakuweka ndani yako. Bien-aimé, que ça ne soit pas comme Vasti. Wapende isikue kama huyu Wasi. Vasti avait des qualités. Wasi alikuwa na mabitu bizuri. Il y a des choses qui l'ont manqué. Kuko bitu vingine bilimukosa. Bien-aimé, tu ne peux pas être un travailleur intelligent mais impoli. Upendo hautakuwa mtu mtenda kazi wa akili akili wasipokuwa na adabu. Parce que ce sont ces choses-là qui vont te disqualifier. Il est bien, il est. Il t'a coupé, tu as injé. Tu ne peux pas être une femme belle mais insoumise. Bien-aimé, tu vas regarder ton talent. Bien-aimé, tu vas regarder les antivaleurs. Les choses qui sont en train de nuire à ce talent. Les choses qui peuvent s'élever. Pour que tu n'aies pas la faveur de Dieu. Cette femme était belle. Mais il y avait des choses en elle qui ont fait qu'elle puisse quitter la royauté. Bien-aimés, nous pouvons nous tenir debout. Nous allons prier. Chacun de nous va prier. Il va implorer la grâce de Dieu afin que tous les antivaleurs, ces choses qui peuvent t'empêcher à entrer dans ton royauté, que ces choses tombent dans le nom de Jésus. Est-ce que tu veux élever ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Tous les antivaleurs, oh, tous les antivaleurs, je ne peux pas être un travailleur impoli, je ne peux pas être une femme belle, mais insoumise ou désobéissante. Je ne peux pas être un papa mal éduqué. Ce sont des choses qui sont des antivaleurs qui font que la personne ne puisse pas accéder à sa royauté. Priez de toutes ces choses. Que le Seigneur t'aide. Oh, nous prions que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Oh, que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Oh, que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Alléluia. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu t'aide. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Dieu te bénisse. Nous voulons des mamans soumises. Nous voulons des papas aimants. Nous voulons des enfants qui honorent leurs parents. Ce sont des valeurs qui doivent régner en nous. Notre deuxième sujet de prière. Esther, elle n'avait jamais pensé dans sa vie qu'elle pouvait devenir reine. C'est comme nous l'avons dit, Chacun de nous ici a une destinée. Dieu te voit quelque part. Et Dieu a déjà enclenché un processus pour cela. Alors tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, quelle que soit l'opposition, laisse que j'accède à ma royauté. Quelle que soit l'opposition qui peut s'élever devant moi, laisse que je puisse acquérir ce que tu as donné, ce que tu as prévu pour moi. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Tu es un roi. Tu es une reine et tu dois régner. Laisse que Dieu t'amène à l'accession sur ton trône comme il a fait pour Esther. Quelle que soit l'opposition, laisse que tu accèdes. Quelle que soit l'opposition, que ce soit ton travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit sur ton avenue, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit provincial ou national, quelle que soit l'opposition, que Dieu te fasse accéder dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te fasse accéder. Que Dieu te fasse accéder. Que Dieu te fasse accéder. Que Dieu te fasse accéder. Que Dieu te fasse accéder. Que Dieu te fasse accéder. Notre troisième sujet de prière. Nous voulons prier pour les amans de nos vies. Les gens comme les amans, ce sont des gens qui ne doivent pas mourir avant notre accession. Ces gens-là qui t'ont combattu. Bien-aimés, s'il vous plaît. Je vous prie et je vous supplie. Si nous pouvons nous tenir debout. Parce que nous voulons prier. Les amans qui a tenu ta vie. C'est amans là qui t'a tenu dans la servitude. C'est amans là, ça peut être une maladie. C'est amans là peut être une personne. C'est amans là peut être un sorcier. C'est amans là peut être une entité. Mais nous voulons prier ce matin que tous les amans de nos vies puissent nous voir accéder au pouvoir. Que ce soit eux les amans là qui vont nous honorer Mardoché sur le cheval avec l'habit du roi. Et c'est amans qui doit les tourner toute la ville. C'est qui ont mal parlé de toi, ces gens qui t'ont fait du mal, que ces gens-là soient les premiers à te faire du bien et parler du bien de toi et aller propager le bien de toi. Alors élève ta voix et commence à déclarer cela. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. Les amans de ta vie, tous les amans de ta vie, qu'ils ne meurent pas avant de mourir, qu'ils puissent se repentir, qu'ils voient ce que Dieu va faire dans nos vies, dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ramasaka ya baba baba baba baba. Ricane masande de Moshaïkes. Tous les amans de nos vies. Tous les amans akademos. Tu vas commencer à acclamer. Commence à acclamer. Commence à acclamer. Commence à acclamer. Commence à acclamer. Commence à acclamer. Quand tu acclames, tous les plans de Aman sont en train de tomber. Les plans de Aman sont en train de tomber. Les plans de Aman sont en train de tomber. Les plans de Aman sont en train de tomber. Les plans de Aman, tous les plans d'Aman sont en train de tomber. Tout ce que Aman a prévu est en train de plomber dans ta vie. Les plans d'Aman tombent. Tous les plans d'Aman tombent. Tous les plans d'Aman tombent. Tous les plans d'Aman tombent. Nous faisons tomber tous les plans d'Aman. Tous les plans d'Aman. Tous les plans d'Aman. Tous les plans d'Aman. Alléluia. Tous les plans d'Aman tombent. Oh, le plan d'Aman tombe. Le plan d'Aman tombe. Le plan d'Aman tombe. Dans le nom de Jésus. Le plan d'Aman tombe. Le plan d'Aman tombe. Alléluia. Tous les plans d'Aman tombent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse déjà. Comment tu pries? Nous voulons encore monter. Regardez. Aman n'a pas seulement cherché la tête de Mardoché, mais il a fait un édit. C'est-à-dire, il a fait une ordonnance pour tuer tous les enfants juifs. Pour tuer tous les juifs. Bien-aimé, maintenant nous allons prier de deux manières. La première manière, C'est dans le livre de Colossiens. Le livre de Colossiens dit, Colossiens 2:14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Maintenant, écoute. Peut-être dans le temps, il y a quelqu'un de ta famille qui a été devant un homme comme Aman. Et il y a quelque chose qui a été écrit que ta famille, elle va aussi mourir. Maintenant là, tu vas déclarer, tu vas dire Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, que ce soit depuis les ancêtres, que ce soit devant mes parents. Il n'y a rien qui peut me condamner. Oh, que quelqu'un se révolte. Commence à prier. Commence à prier. Christ a effacé. Christ a effacé. Christ a effacé. Christ a effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait. Et qui subsistait. Et qui subsistait. Et qui subsistait. Et qui subsistait. Et qui subsistait. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Hé la maman. Yen et Boshaya. Yitare Masikere Bosa. Yitare Masikere Bos. Yé maman. Yé la Masike. Alléluia. Alléluia. L'éternel des armées. L'éternel des armées. L'éternel des armées. L'éternel combat pour nous. L'éternel des armées. L'éternel combat pour nous. On peut nous brandir le verset 4-5. J'ai besoin que nous puissions prier avec ce verset. Esther 4, le verset 4. Verset 5. Le verset 6. Ok. Maintenant, le verset qui suit. Il est en fait. Bien aimé, regardez bien. Dans un vizuri. La Bible dit, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Bien-aimé, il y a de l'argent des fois qui circule pour le malheur de certains. J'aimerais que nous puissions prier. Aman a préparé des sommes d'argent. Il y a des familles qui sombrent à cause de l'argent, à cause des sommes d'argent. Nous voulons prier que le Seigneur nous épargne de ces choses à cause d'argent. À cause d'argent, Jésus a été livré par Judas. À cause d'argent, les rois ont accepté de livrer les Juifs à cause d'une somme importante d'argent. Bien aimé, je ne sais pas quelle somme a été proposée pour toi. Je ne sais pas quelle somme a été proposée pour tes enfants. Je ne sais pas quelle somme a été proposée pour ton travail. Je ne sais pas quelle somme a été proposée pour ta famille. Bien-aimé, nous voulons détruire ces choses. Nous voulons détruire cela. Tous les plans de l'ennemi, quels que soient au travers des sommes, cherchant à livrer nos vies, ou les vies de nos familles, ou de nos clans, ou nos communautés, ou ce pays. Nous voulons que nous prions maintenant que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Nous détruisons cela. Nous détruisons cela. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Alléluia. Nous détruisons. Nous détruisons cela. Nous détruisons cela. Alléluia. Nous détruisons tous les plans à livrer nos familles. À livrer nos familles. Nous les détruisons. Nous les détruisons. Nous les détruisons. Nous les détruisons au nom de Jésus. Des prix. La vie n'a pas de prix. Qu'est-ce que le monde a prévu pour ta tête? Qu'est-ce que le monde a prévu pour ta famille? Oh, nous, nous avons été rachetés par un prix ultime. Parce que nous devons retourner au diable la parole de Dieu. Nous avons été rachetés. S'ils peuvent mettre des sommes importantes, Christ nous a rachetés. À la croix, Christ nous a rachetés. Alors tu vas dire, Christ, merci de m'avoir racheté de toutes ces sommes qui ont été proposées. Merci de m'avoir racheté de tous ces prix qui ont été fixés. Élève ta voix, commence à remercier Christ. Christ, nous te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions pour les prix ultimes. Nous te remercions pour les prix ultimes. Ils ont mis des sommes. Ils ont fait des plans. Ils ont mis nos têtes à couper. Mais tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés. Tu as coulé ton sang. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie. Oh Seigneur, quel rachat. Tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés. Au prix ultime. Au prix ultime. Oh, le prix de la mort. Une mort honteuse. Une mort honteuse. Une mort honteuse. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous pouvez vous rasseoir. Nous allons prier ce dernier sujet en étant assis. C'est le fait que Mardoché et Esther connaissaient leur Dieu et connaissaient les principes de Dieu qui les ont appliqués et que Dieu est venu dans leur vie. Alors, tu vas prier pour ta vie de prière. Comment se présente? Quel est l'état de ta vie de prière? Quel est l'état de ta spiritualité? Comment tu pries? Est-ce que tu jeûnes? Et que Mardoché a appris. Bien-aimé, il a déchiré ses habits. Il s'est mis déjà en état d'alerte. Chaque ville, quand elle est attaquée, on met la ville en état d'alerte. C'est-à-dire, il y a certaines choses où vous allez voir, vous sentez, non, nous sommes dans l'état d'alerte. Mardoché était dans l'état d'alerte. Il a déchiré ses habits. Il a porté les sacs. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes des chrétiens. Nous sommes plus chrétiens que les chrétiens dans le temps. Bien-aimés, combien de fois nous jeûnons par mois? Combien de fois nous prions la semaine? Nous prions que pour manger. Mais pour dormir, c'est un souci. Alors nous voulons, bien-aimés, prier. Prie pour ta vie de prière. Prie pour ta spiritualité. Implore le Saint-Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse t'accompagner. Que l'Esprit de Dieu puisse t'aider. Que le Saint-Esprit puisse t'aider. Dans toutes choses. Dans la prière. Si ta vie de prière avait diminué, laisse que, oh Dieu, par le Saint-Esprit, que cette vie puisse augmenter. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Il a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Bien-aimés, nous n'avons pas obtenu une liberté provisoire, mais une liberté totale. On n'a pas abrogé, mais on a effacé tout ce qui nous condamnait. Est-ce qu'il y a un homme libre ce matin qui peut acclamer le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le maître des temps et des circonstances? Je disais, est-ce qu'il y a un homme libre qui peut se tenir debout et acclamer le Dieu tout-puissant, celui qui a effacé tout ce qui nous condamnait? Amen, amen. Nous passons aux offrandes. Pendant que la chorale nous donne un bon chant, suivons les rythmes et la direction du protocole en offrant avec joie. Somebody. Inclinons nos têtes pour prier pour les offrandes. Père Dieu Tout-Puissant, reçois ces offrandes en signe de reconnaissance pour ta bonté. Bénis-les et fais qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre. Bénis chaque main qui a donné et pourvois aux besoins de ton peuple. Nous recommandons ces offrandes à ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés au moment de communiquer. Nous appelons l'ancien Polydore et pendant qu'il passe, nous pouvons l'encourager avec nous. Amen. Nous allons acclamer Dieu Tout-Puissant et Mungu. Tunapenda kuleta matangazo kiloko tunanayo asubuhi ya leo. Tuko mbele na renyo moya munene kesho ndani ya kanisa. Ile inakuya ni nouvelle papa atalileta kumwisho. Tunapenda kupokelea bageni bale baliweza kufika asubuhi ya leo jua kuweza kumwabudu Mungu pamoja nasi. Kama ni mara yako ya kwanza, shimama tu tupate kuweza kupokea. Huko mnyumba ya Mungu hapana kuya na haya. Shimama, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki dada. Na she tulikuya paka saa mweye bali tushimamishaka bani tupokelea bani tuimbia nyimbo na kanisa litufurahikia. Kanisa ya Mungu tunaweza kumushangilia Mungu juu ya presence ya dada. Dada kumwisho wa mkusanyiko utakuya kumbele huku, kuna banduku batazungumza pamoja na weye. Tunakuya na anniversaire moya. Kama na weye uko na anniversaire yako siku ya leo, utakaribia wakati tutaweza kuita dada mwenyewe atapita ku anniversaire. Communiquer tunakuya na le Dieu ba jeune. Amen. Hii mwaka ni mwaka ile ba jeune ya kanisa yetu. Tune milomba mupate kuweza kulamuka. Bana change programme. Olie ya dimanche mangaribi, mutanza kukutana samedi. Puisque banaona kusema samedi, kila muntu eko libre. Amen. Shinjo vile ba jeune. Kila muntu eko libre. Kubale beko linda kumasomo, deja aux environs ya 13h, batakwa basha kutoka. 14h, 15h, munakuya deja kumukusaniko. Na Mungu ataweza kunibariki. Tunemiankuraje sana, sababu mwe muko relevi ya kesho. Amene, Mungu amibariki sana. Basi dada wa anniversaire, tunaweza kukaribia, juu tupate kuweza kukuombea. Na kama na weo kwako, karibu, tupate kuweza kuomba Mungu pamoja. Ule wote kuna anniversaire siku ya leo, akaribie. Karibia tu, hapana kushikia boka, hapana kushikia haya. Ni mupresansi ya Mungu na karibia. Mungu akubariki sana dada. Tunaita mchungaji apate kuweza kumwombea dada na kutupatia Tangazo ya kesho vile itakuya. Nous sommes contents pour l'anniversaire de notre sœur. Si tu es là aussi, tu es né au courant de la semaine. Ou demain, après-demain. Passe aussi, nous allons prier pour toi. C'est toujours la joie de partager des moments comme ça. Ok, nous allons prier pour nos bien-aimés. Oh, maman Valérie. Karibou alors. Karibou, mama. Est-ce qu'on peut l'encourager? Karibou. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour nos sœurs. C'est vraiment un jour de sœurs aujourd'hui. Que Dieu les bénisse. Alors nous recommandons la grâce de Dieu. Élevons nos voix. Prions pour elle. Prions pour elle. Seigneur, merci. Tu as créé le jour et la nuit. Tu as créé le temps. Tu as mis toutes choses dans le temps. Et aujourd'hui, Seigneur, chacune de nos sœurs commémore son anniversaire dans le temps que tu lui as donné. C'est pourquoi je les bénis. Je prie, Seigneur, que le temps qui vient soit encore meilleur que le temps passé. Qui regarde aux choses invisibles, c'est-à-dire les choses que toi tu as préparées pour leur vie. Je les recommande entre tes mains. Je les bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Ok, nous donnons quelques communiqués. N'oublions pas nos secteurs. Demain, c'est lundi, c'est férié au pays. Le matin, à 9h30, tous les serviteurs de toutes les églises sous féconde, nous nous retrouvons à partir de 9h30 jusqu'à 13h30, au plus tard 14h. Avec le représentant pour un enseignement sur les diaconesses, les diacres, les anciens et la diaconie. Oui, c'est moi qui ai demandé qu'il ajoute aussi la diaconie pour nous fixer correctement sur ces choses. Il y a des choses peut-être qui ne sont pas dans d'autres églises, mais nous allons suivre le rythme que Dieu nous donne et nous prions que demain aussi nous soyons enseignés et nous bénéficions de ces enseignements-là. Nous préparons la semaine des jeunes au début du mois de février. Donc la JPC, elle se met au travail. Et en même temps, nous préparons la semaine ou le mois des mamans au mois de mars. Avec quelques mamans qui seront oratrices qui viendront de l'extérieur. Lubumbashi et éventuellement Kinshasa. Donc nous nous préparons aussi. En même temps, nous nous préparons pour la Pâque. Le 5 avril. Voici les programmes sur lesquels nous devons travailler ce premier trimestre. Nous voulons que les mamans, que les jeunes, les papas, ça sera un peu après, que tous nous soyons en train de préparer ce grand travail. Sans oublier les évangélistes. Ils se mettent au travail parce que très bientôt nous aurons besoin de missionnaires. C'est-à-dire nous allons leur donner des missions. kazi, ma mission. Il y a trois missions urgentes que nous voulons donner. Ma mission tatu ya haraka tutawapatia. Le premier trimestre. Oui, sehemu ya kwanza. Donc les évangélistes se mettent au travail. Evangeliste mwingie mukazi. Voilà notre programme. One matengenezo yetu. Troisième communication. Tangazo ya tatu. L'église sous féconde cherche deux maisons à louer. Kanisa chemchemu ya uzao inahitaji manyumba mbili ya kulipia. Une maison du côté route Kamatanda autour de Diagonale. Kule kungambo ya route Kamatanda. Et une maison du côté 40 maisons. J'ai oublié le nom de l'avenue. Industrielle. 40 maisons. Industrielle ou. Industriel. L'avenue qui fait le contour de l'autre côté. Ok, donc nous avons besoin de deux maisons. Idéalement, que les maisons soient seules dans la parcelle. Pourquoi nous cherchons ces deux maisons? Le Seigneur nous a mis à cœur d'ouvrir deux églises. Une du côté diagonale et l'autre du côté entrée Likasi qui va prendre Kikula. Manomapia, c'est ça? Manomapia. C'est Manomapia. L'entrée d'écologie, c'est comment ça s'appelle? Kuleni, c'est quoi? Oui? Ah, Kitabataba. Kitabataba, voilà, toute cette partie-là. Ça, c'est la première et la deuxième du côté diagonal. Donc, nous voulons nous libérer de cette. Pensée de Dieu. Si vous trouvez une maison, un endroit, venez me voir et nous allons visiter et nous allons commencer directement. C'est comme ça que je dis que les évangélistes se mettent en rang de bataille. Et je vous présenterai les serviteurs que Dieu m'a mis à cœur. Déjà cette vision. Alléluia. Amen. Je commence à prier pour ça depuis qu'on nous a offert le dossier. C'est pour ça que j'ai dit que on les laisse ici. Je continue à prier et que Dieu permette que ces deux chairs, pour moi, ces deux églises. Donc voilà les communiqués que j'allais donner. Mais avant de terminer, j'ai un dernier communiqué. Mais il y a une chanson qui m'est venue, heureusement que je vous ai trouvé. Parfois, je demande, sans vous préparer, Maman Gloria, tu dois te débrouiller. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Vous chantez ça? Grâce? C'est bon? Est-ce qu'on peut chanter ça? Dieu qui a le dernier mot dans notre vie. Ok, est-ce qu'on peut se tenir debout? Je voudrais qu'on chante pendant deux minutes. Dis, Dieu, tu as le dernier mot dans ma vie. Tu as le dernier mot dans ma vie. Qui a le dernier mot? Yeshua Uzima, oh Yeshua Uzima, Yeshua Uzima. peut acclamer très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous nous préparons à la célébration Pâques. Donc, nous, j'ai oublié, nous aurons une célébration Pâques le 5 dans l'après-midi. Et on va louer le Seigneur. Et on va bénir le Seigneur. Alors avant de terminer, je voulais... Je suis dans la joie de recevoir un de mes enfants. Sten, je l'ai vu. Est-ce que tu peux t'approcher? Viens, viens, viens. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Maintenant, il est devenu papa, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut l'encourager, Voilà nos enfants qui étaient ici, qui sont nés ici à l'église. Ekodim, JPC, il est parti étudier, il a fini son graduate, c'est ça? Oui, il a eu son graduation. Ok. Il a fini et il doit continuer. Et il est là au milieu de nous pour quelques jours, quelques semaines. Et je suis dans la joie qu'il soit là. C'est un enfant pour moi. Et je voulais faire un travail avec lui. C'est vrai qu'il travaille pour le moment dans les médias. Il va travailler avec nos équipes ici. Mais ce n'est pas tellement pour ça. Il a un groupe là où il vit, à Chypre. Les gens donnent leur vie au Seigneur par son ministère. Et au-delà de Chypre, il y a même d'autres pays avec les jeunes avec lesquels ils travaillent, les gens donnent leur vie au Seigneur. À deux reprises, j'ai parlé avec son pasteur à Chypre. Quand il a découvert, il m'a appelé. J'ai parlé avec lui. Et c'est toujours une fierté quand un pasteur de loin, il vous appelle pour vous remercier pour votre fils. Alors, pendant qu'il est là, je vais prier pour lui. Je vais le oindre pour le travail qu'il est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alors, j'ai voulu vous le dire clairement. Cette année, nous allons travailler différemment. Selon que Dieu me mettra à cœur de faire certaines choses, je les ferai. Je crois qu'il est temps pour moi de propulser mes enfants qui ont la vision et qui peuvent faire du travail. Je pense que vous l'avez vu déjà dans les choix que j'ai fait des anciens, des diacres et les églises que nous allons ouvrir très prochainement. Et je ne manquerai pas de faire certaines choses. Alors, Joy vient aussi. Joy nawe karibia. Vient aussi. Voilà les deux pour qui je vais prier, je pense, dimanche prochain, Dieu aidant. Ces enfants, ils travaillent, ils gagnent des âmes. Mais je crois que c'est ma responsabilité de les sécuriser. Pour les sécuriser, je dois les wendre. Je dois les couvrir. Comme ça, ils sont protégés. Et ils peuvent faire le travail correctement. Alléluia. Amen. Puisqu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui ne sont même pas nés d'ici, il y en a que nous avons couverts, priés pour eux, et il y a d'autres probablement cette année pour qui je prierai encore. Je le fais en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur. Ils vont continuer la vision. Si nous le faisons pour les autres, nous le faisons pour les enfants. La Bible dit que ces dons sont pour nous et pour nos enfants. Il ne faut pas toujours que ce soit les gens de l'extérieur. C'est comme ça que quand un enfant fait quelque chose, nous l'accompagnons. Donc il y a les deux pour qui je vais prier. Il y a probablement les deux autres, mais je n'ai pas encore fini de parler avec eux. Toujours les enfants de la maison. Et chaque fois qu'on découvre un ministère, on le propose. Je suis fier de Maman Gloria qui a commencé aussi son ministère. Ici, nous l'accompagnons. Et ça demande l'obéissance. Ça demande de la discipline. Parfois je dis oui. Parfois ou souvent je dis non. Quand je dis non, parfois c'est pour éprouver le cœur. Plusieurs fois il peut me dire non, papa, on m'a invité à tel endroit. Je dis non. Même l'ancien Elvis m'a dit non, invité, je dis non. J'éprouve le cœur. Et à ce moment-là, nous accompagnons. Parce que parfois, il y a d'autres, si on dit non, ils se révoltent. Et on comprend que non. Ashiakwa Brebi. Sangineko. Autre chose que la brève. Donc voilà, dimanche prochain, ou soit dimanche prochain, soit l'autre dimanche, ça dépend de mon calendrier. Dans les deux semaines ici, je vais prier pour ces jeunes gens. Ils ont fini déjà leurs études. Il faut que Dieu les accompagne, les protège dans le travail. Et il faut que Dieu leur donne aussi de bonnes femmes. Il y a des femmes destinées aux pasteurs, aux serviteurs. Il y a des femmes destinées à chaque catégorie. C'est important pour la grâce que Dieu a placée en eux. Voilà, il est arrivé hier de Chypre. Bienvenue en RDC. Ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans. Oh, c'est passé très vite. Hein? Voilà, ce sont nos enfants de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ok. Je vais prier. Mets-toi aussi à genoux. Je vais prier pour eux. Mais je vais les rendre. En semaine. Pourquoi je prie pour lui maintenant? Je vais dire quelque chose. Et ça, c'est un mystère pour tout le monde. Quand tu arrives sur une terre étrangère, Boulongo. Tu habites Likasi. Tu vas à Kolwezi. À Lubumbashi, à Dar es Salaam. Frère, ne commence pas la vie comme ça. Donc, apana kuanza maisha tu hivi. Tu dois parler à cette terre là. Sema na ile udongo. Que t'accepte. Le problème n'a jamais été un problème de la semence. C'est un problème de la terre. Quand il y a des gens qui quittent ici, ils voyagent, ils tombent malades. Ou anakufia ku Dar es Salaam. Anakufia mu Uganda. Anakufia ku Kinshasa. Dès que tu descends de l'avion, terre de Kinshasa. Je mets mes pieds ici. Accepte-moi. Ouvre-moi ton trésor. Je refuse la maladie. Je proclame le nom de Jésus. Ici. Au nom de Jésus. Si tu voyages, dis à ton père. Si c'est arrivé brutalement là où tu arrives, dis à ton père. Il peut dire que Dieu te bénisse suffisant. Vous savez, Anne. Ce n'est pas que Anne a prié pour la première fois. Mais le jour là où Anne priait, Anne a rencontré le souverain sacrificateur dans l'église. Et il a dit un mot. Va en paix. Et que Dieu te donne ce que tu désires. Et la Bible nous dit à partir. Donc on dit à partir de ce jour-là. Lisez bien dans 1 Samuel. Le visage d'Anne a changé. Le visage reflète le cœur. Et Anne a eu son enfant. Donc le père. Qu'il prononce quelque chose sur toi. Il vient d'arriver ce matin, après 5 ans, que la terre délicatie te donne de la rosée. Tu ne seras pas malade à l'Icassie. Amen. Les esprits de poursuite, je les arrête sur ta vie. Je te déconnecte de tous les esprits mauvais, de la famille, de la génération, de lieu où tu vas vivre. Je prie que l'Icassie te soit favorable. Amen. Seigneur, je recommande ces deux, mes deux enfants entre tes mains qui sont là. Amen. Je prierai pour eux. Ouh. Pour les oindre. Amen. Conformément à ta parole. Maintenant, Seigneur, soutiens-les, garde leur cœur et que leur ministère qu'ils ont commencé, ils ont gagné plusieurs âmes. Seigneur, que ce soit comme un autel qui va s'élever en leur faveur. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur pour eux. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est important, quand tu voyages, tu comprends ces choses. Moi aussi je n'avais pas compris, jusqu'au jour où j'ai eu un sérieux problème. Évidemment, je suis né à Kolwezi. J'ai grandi à Kolwezi. J'ai étudié à Kolwezi. Mon père est mort, on l'a enterré à Kolwezi. Mon grand frère est mort à Lubumbashi, on est parti l'enterrer à Kolwezi. Un jour, je me dis, non, je vais, une année après, je vais voir à la tombe de mon grand frère avec sa famille, je prie, ou après 40 jours comme ça. Et voilà, je suis arrivé à Kolwezi, déjà dans les réunions. Sa famille, on va faire ceci, on va se retrouver. Non, on vient directement au cimetière. Nous, on est déjà arrivés. Pendant que je suis en train d'aller au cimetière à Kasangiri, je fais un accident avec mon véhicule. C'est là que j'ai réalisé. Je dis, ah Seigneur, quand je suis rentré, parce que le soir, il faut toujours. Le soir, quand on prie, ce n'est pas toujours pour dormir. Hein. Le soir, quand on prie, on a un peu le film de la vie, de la journée. On fait un peu les comptes avec Dieu. C'est là que j'ai réalisé. J'ai compris ce mystère. Tu arrives sur une terre étrangère. Boulongo. Sur la terre. Minafika. Je suis là. Unichiki. Et que tu puisses m'accepter. Katika tina la Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les gens de ce monde sont sages. Hein? Ils iront voir le chef coutumier, n'est-ce pas? Banaba pakala mpemba. Et là, banaba pakala biyako pakala. Akwe muzungu, akwe chinois, indien, peu importe. Ingawa, banamwanga. Bien aimé, c'est le visible copie seulement les spirituels. Donc, désormais, quand tu voyages, tu arrives à Lubumbashi, prie, Dar es Salaam, Dubaï, Chine. Chine. Voilà. jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit qu'il est le Dieu de toutes les extrémités de la terre. Quand tu mets ton pied, tu lèves ta main, tu dis Seigneur, merci. Je prends possession de ce lieu. Je le recommande. Je refuse que la maladie me visite ici sur une terre étrangère. Il y a des combats qui viennent seulement sur une terre étrangère. Je pense que des cas comme ça, on en profite pour enseigner à l'église. Et pour que ça puisse nous aider. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Tu vas remercier le Seigneur. Recommande ce week-end entre les... Tiens, ce n'est pas le week-end. Hein? La semaine, comme c'est férié, on a dit que c'est le week-end. Ok. La semaine qui commence entre les mains de Dieu. Les mamans, préparez-vous. Les jeunes, préparez-vous. Célébration Pâques, on se prépare. Tous les programmes, nous nous préparons. J'aurai aussi besoin de faire Genovite après les cultes. Il faut me voir. Et nous voulons prier le Seigneur. Que Dieu puisse nous faire grâce. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Oh merci Jésus, que ton nom soit béni ce matin. Tu es un Dieu merveilleux. Tu fais de grandes choses au milieu de nous. Sois béni, sois glorifié. Je te recommande nos vies entre tes mains. Je recommande l'église entre tes mains. Souviens-toi de chacun de nous Seigneur. Souviens-toi de l'église. Souviens-toi de ton peuple Seigneur. Bénis-les. Bénis ton peuple. Je les recommande entre tes mains. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.